De remerciements venant des cœurs, l'adoration la plus sincère. Tu mérites cela, toi qui seul es le vrai Dieu. Prends nos cœurs, prends nos âmes, prends nos paroles, prends nos prières, agrée tout sous le sang de Jésus-Christ. Répands l'onction, le Saint-Esprit de vérité, en ces derniers jours, comme tu avais promis, afin d'édifier ton église, de perfectionner ton église, de faire mûrir ton église, de faire atteindre les sommets, l'héritage de toutes les promesses, car aucune d'elles ne restera sans fin. Nous te bénissons, Dieu vivant, pour ta fidélité. Tu es loyal envers ta propre parole. Tu veilles sur elle pour l'exécuter. Tu agis diversement parmi les humains. Tu comprends l'adversaire, l'ennemi. Et tu manifestes tes desseins. Nous nous attendons à toi, Seigneur, pour être fortifié, pour être utilisé. L'homme soit mis de côté. Et Dieu traite avec nos âmes, nos esprits et notre foi. Et Dieu entre en scène pour répondre à nos prières, pour confirmer sa parole, pour manifester les promesses faites au Père. Que ces promesses soient manifestées pour nous, leurs enfants. Tu es fidèle de bout en bout. Tu es le Dieu surnaturel. Reçois les hommages dans nos cœurs. Bénis la réunion de ce soir, la prédication de l'évangile et tout ce que nous ferons pour toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous prions ainsi. Amen. Amen. Nous allons lire la sainte parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 59. Na Isaïa mukapo ya tukumi mitano na libwa. Nous prenons le verset 20 et 21. Tukozua ndina na kotanga tukumi bale na tukumba na moko. Un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, de maintenant et à jamais. Ipe mosikoli akoya epai na Siona. Epai na bango kati na Yakobo. Ba oyo bakobutwa longwa na kopengwa na bango. Yawe alubi bongo. Yawe alubi ete mpe mpona ngai oyo azali kondimana. Oyo ezali kondimana na ngai elongo na bango ete. Molimo na ngai oyo ezali likolo na yo mpe maloba na ngai oyo natei yango na monoko na yo ekolongwa na monoko na yo te to na monoko na bana na yo te to na monoko na bana na yo te longwa na sasa ipi kino libela Yawe alobi bongo. Malachi chapitre 4 Malachi verset 4 à 6 Morongo na motoba. Dimanche, nous avons lu du verset 5 à 6, aujourd'hui du verset 4 à 6. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je prescris en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Bokanisa mobeko na mose mwumbu na ngai. Oyo na lekilaki iye na katina olebe mpona Israele mobimba. Yango malakumpe kosambisa manasembo. Tala, ngai na kotine labino mosakuli. Elia. Liboso na kuya na mokolo monene mpe na somo na Yawe. Akobongola mitema na batata epai na bana mpe mitema na bana epai na batata. Na bongo ete na ya kobeta mokili na ekweli mabe te. Acte des apôtres chapitre 13. Misala na bantu mwa kapona zomi na misato. Nous prenons le verset 32. Donc on joint de là qu'on tente de commencer à parler. À 33. Qui ont commencé à parler. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Biso pe tozali kosapwela bino sango malamu. Na elaka epesamaki na bankoko. Ete Nzambe yasili koko kisela biso bana na bango elaka yango. Awa esili ye kosekwisa Yesu lokola mpe asili koko mama. Esili koko mama na loyembo na mibale yete. Yo mwana na ngai, ngai nasili kobota yo lelo. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous souhaitons ici la bienvenue à la table du Seigneur. Pour avancer dans les choses de Dieu. Pour avoir un merveilleux temps de communion fraternelle. Autour de ce qui nous est précieux. Et c'est la parole de vérité. Nous voulons adorer Dieu. Lui offrir les services de nos cœurs. Et recevoir de sa part ses réponses. Les actes de sa fidélité. Parce que dans toutes les générations, Dieu agit. Dieu agit, il agit toujours. Il est identifié clairement. Que son nom soit béni. Nous avons entendu dimanche la double mission de Malachi 4:5-6. Qui veut aussi dire en réalité les deux missions de Malachi 4:6. Double mission de Malachi 4:5-6 parce que là on prend le prophète Élie qui est promis et puis la mission que son même messager Élie est censé manifester, accomplir. Malachi Donc le prophète Élie qui est annoncé au verset 5 de Malachie. Deux missions. Ou sa double mission. Figure au verset 6. Et par la grâce de Dieu, nous avons médité ça pour voir que les deux missions ne s'accomplissaient pas au même moment. Mais chacune des missions était prévue pour un temps précis. Et le temps de l'accomplissement de chacune de ces deux missions était éloigné l'un de l'autre. L'éloignement de ces temps se compte en centaines d'années, en millénaires. Mais pourtant, les deux sont annoncés dans la même phrase, dans un même verset. Ça, c'est la grande sagesse de notre Dieu. Il sait comment cacher ses voies. De sorte que l'esprit intellectuel ne trouve pas la réponse de lui-même. Tous les esprits recourent à Dieu qui détient la clé de la révélation. Dieu est incontournable en matière de révélation. En matière de révélation de sa parole, Dieu est incontournable. Aucun de nous humains ne peut accéder à la révélation par ses efforts. Mais Dieu cache cela à qui il veut. Et il le révèle aussi à qui il veut. Matthieu 11:25, il était loup, père du ciel et de la terre, il a caché ces choses. Et Dieu qui a caché, pas un prophète. Dieu lui-même a caché. C'est pas un prêtre. Un cardinal. Un roi, un président. C'est Dieu lui-même qui a caché. Il cache ça aux sages et aux intelligents. Il révèle aussi cela. Toujours et encore aux enfants. Hein? Aux enfants. Nabana. Il a révélé ça aux enfants. Atalisi ango polele na bana. Les gens peuvent avoir vieilli dans les voies de Dieu. L'avantage pour être quelque chose. Et cache ces choses-là aux sages et aux intelligents. Mais il révèle cela aux enfants. Qui sont ces enfants? Que Dieu nous aide. Nous allons créer encore sur ces enfants. Le Dieu donne les promesses au Père et les accomplit chez les enfants. Et le Dieu des pères devient le Dieu des enfants. Le même Dieu dont les pères ont entendu parler promet de se manifester aux enfants. Les pères reçoivent des promesses et les enfants expérimentent les promesses. Dieu parle au père de ce qu'il fera. Il croit et attend de l'accomplissement. Et parfois il meurt sans avoir rien vu. Mais au temps de leurs enfants, le même Dieu passe en scène et accomplit les promesses auxquelles le Père avait cru. Et le Dieu de Père devient le Dieu des enfants. Le même Dieu Donc, les pères ont entendu. Peut-être qu'ils n'ont pas beaucoup expérimenté. Mais c'est que les pères n'ont pas pu expérimenter. Ils ont cru sans l'avoir vu. Sans l'avoir vécu. Leurs enfants l'expérimenteront. Que ceci soit clair en nous là. Oui. Dieu a parlé de l'alliance qu'il a faite ici dans Ésaïe 59. Il donne d'abord la promesse. Et puis il décrit les paroles de l'alliance que nous connaissons. 59, le verset 20 d'abord. Un rédempteur viendra pour Sion. Pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés. Dit l'Éternel. Les gens qui ont entendu cette promesse, vivant du prophète Esaïe, sont tous morts. Et aucun d'eux n'avait expérimenté l'accomplissement de cette promesse. Et elle demeure écrite dans la Bible. Et cette promesse demeure valable. Mais il est question de ceux de Jacob qui se convertiront de leur péché. Nous faisons la parenthèse. Au sein de cette promesse ici, allons dans Romains chapitre 11 pour voir quel était l'état de cette promesse à l'époque des soldes de taxes. C'est-à-dire après la première venue de Jésus-Christ. Quel était l'état de cette promesse à l'époque de Saul de Tarse? Car était-il de cette promesse? Nous lisons Romains 11, versets 25 et 26. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sage. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Bandeko, na lingite ete bozanga kososola likambo libombami. Awa bongo bo mwerikumisa mpona mayele na bino pentate. Kasi na motema ekweli ndambo na Israele kino mutuya mobimba na bapakano bakoyangela. Et ainsi, verset 26, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. La promesse que cite l'apôtre Paul ici en son temps. Et la que nous avons lu dans Ésaïe 59, verset 20. Et que les gens de l'époque de Paul ont également lu. Mais quand Paul, en tant que prophète, classe, situe cette parole prophétique-là, il répartit correctement ça, il situe ça correctement dans la ligne de temps. Il en situe l'accomplissement, non pas de son temps, mais ça s'accomplira selon ce qu'il a dit ici, après que la totalité des païens, des gens des nations, soient entrés. Autrement dit, jusqu'à ce jour, cette promesse-là d'Esaïe 59, n'est pas encore accomplie. Pourquoi on le dit? Parce que la totalité des païens n'est pas encore entrée. Nous continuons encore à appeler les pécheurs d'entre les païens. La totalité des païens entrera lorsque le dernier, la dernière âme élue sera scellée du Saint-Esprit. Et que l'Église entrera dans l'enlèvement aussi. Par l'enlèvement de l'Église. la totalité des païens sera entrée. Autrement dit, tout ce que Dieu a prévu de sauver parmi les païens, vous savez qu'il avait écrit dans son livre de vie de l'agneau, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu jusqu'à maintenant. Encore pour l'enlèvement. De croire le message. Je prépare à l'enlèvement. Soit baptisé du Saint-Esprit. Et quand le dernier prévu sera baptisé du Saint-Esprit, la dernière âme élue, se trouve-t-elle? De quelle nation viendra-t-elle? Dieu seul connaît son nom. Si elle est déjà née ou pas, je ne sais pas. Mais Dieu le sait. Elle viendra un jour et la porte sera fermée. Mais la mort, une fois que l'épouse est scellée du Saint-Esprit, affichée complète, il viendra du ciel un super son. Et quand il là, mettra dans cette église un tel baptême du Saint-Esprit, il va transformer pour être enlevé au ciel. Donc, quand la dernière âme est riche rentrée, un autre baptême du Saint-Esprit descendra sur l'église. Ne pas sur les individus. Et mais sur toute l'église, dans le monde entier. Et c'est la plénitude. C'est le reste. Que vous attendez après que Dieu vous ait donné la compte. Vous êtes scellé du Saint-Esprit. La compte ou les vous demande de persévérer, de travailler en attendant que le reste de cela vienne. L'action de la plénitude de la divinité. Il va baptiser l'église de Jésus. L'église des scellés du Saint-Esprit. L'église de racheté qui atteint la maturité. Un tel son sur viendra du ciel. Un son surnaturel mettra dans l'église un ultime baptême du Saint-Esprit. À ce moment-là, la totalité des païens pour entrer et aller dans l'enlèvement. Et Dieu aura ainsi achevé son œuvre de salut parmi les nations. Et il sera ensuite vers Israël. Et quand il va se tourner vers Israël, après l'enlèvement de l'église, alors que la promesse d'Esaïe 59 verset 20 s'accomplira. Un rédempteur viendra pour suivre. Pour ceux de Jacob qui se convertiront de leur péché. Et à ce moment-là aussi, Paul l'a dit dans Romains chapitre 11. À ce moment-là, tout Israël sera sauvé. Et le tout Israël qui est prévu ici, ce sont les 144 000. C'est le reste d'Israël. Il sera sauvé aussi au complet. Aucune des âmes du nombre de 144 000 ne sera perdue. Aucune des âmes de ce nombre ne pourra rater l'occasion. Toutes les 144 000 seront sauvés. Et cet accomplissement-là sera conforme à ce que Isaïe avait annoncé. Entre le moment de l'accomplissement après l'enlèvement et le moment de la publication de la promesse à l'époque d'Isaïe, voyez à peu près combien d'années, des siècles, des millénaires se sont écoulés. Alors sachez que la parole de Dieu demeure éternellement. L'usure du temps ne peut pas user la parole de Dieu. La prolongation du temps ne peut pas détruire la parole de Dieu. Mais sur sa parole pour l'exécuter. Et c'est lui qui croit son béni. Le même Dieu qui a traité avec Esaïe. C'est le même Dieu qui a traité avec Malachi. Il peut donner une promesse dont les détails d'accomplissement sont séparés dans le temps des dizaines, des centaines, voire des milliers d'années. Ça, nous devons le comprendre. On a besoin de faire les choses cela. Et persévérer avec Dieu. Maintenir à sa parole. Paul a dit ceci dans Actes chapitre 13. Paul a dit boye nemsala. Un autre exemple. De promesses faites au père. Tant que Dieu accomplit autant des enfants. Oh, et des descendants très lointains là. Des descendants lointains de pères qui ont entendu la promesse. Mais le Dieu de pères, c'est le Dieu des enfants. Voyons ici ce qu'il dit. Acte 13. Verset 32. Et nous vous annonçons la bonne nouvelle. C'est quoi l'évangile que Paul prêchait? Et la promesse faite à nos pères. Mais on doit savoir qui sont ces pères-là dont il parle. La promesse faite à nos pères. Dieu l'a accompli pour nous, les enfants. En ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans les psaumes 2e. Na kosakisaka Yesu, pele moko na komami na banzembo emibale. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Il cite un psaume de David. David qui a dit, tu es mon fils et je t'ai engendré aujourd'hui. Et il cite cette promesse-là pour dire que Dieu l'a accompli dans notre temps. Mais cette promesse était faite à nos pères. Et il poursuit au verset 35. C'est pourquoi il dit encore, ailleurs, tu ne permettras pas que ton sein voie la correction. C'est toujours David, mais dans le psaume 16e cette fois-là. Dans le psaume 2e, tu es mon fils, je t'engendrerai aujourd'hui. Et dans le psaume 16e, tu ne permettras pas que ton sein voie la correction. Toujours par la bouche du prophète David. Kaka na munoko ya musakoli Dawidi. Et qui a entendu cette promesse? Mais qu'est-ce qu'il est devenu lui-même après cette promesse? Verset 36. Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort. Et a été enterré. a été réuni à ses pères. Lui-même là, il était un descendant de pères. Il a entendu la promesse. Et il a servi au dessein de Dieu, lui, David. Et puis il est mort. Et quand il était mort, il a été réuni à ses pères. Ses pères à lui, David. Mais lui, David, qui donne la promesse, est compté parmi les pères pour Paul. Et les croyants du temps de Paul. Parce que Paul dit que nous vous annonçons la bonne nouvelle. Et la promesse faite à nos pères. Dieu l'a accompli pour nous les enfants. Mais qui sont ces pères-là qui ont reçu la promesse? Et quelle était la promesse à laquelle ils faisaient allusion? La promesse de la résurrection du Messie d'entre les morts. Et quel est le père que Paul cite? Au sujet de la promesse qu'il indexe là, c'est David. Et qui était David? David était le fils d'Isaïe. Et David était un descendant d'Isaïe. Isaïe était un descendant lointain de Judas. David était un fils de Jacob. Nombre de 12 patriarches. David dans son temps, il était un enfant. Et qui avait pour père Judas. Et Jacob est comme ça. Un prophète. C'est David qui lance son temps en faire la promesse de Dieu. Non, attends, du Messie. En deux termes, le premier langage, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. C'est le psaume deuxième. Le deuxième langage, Paul, il avait rejoint le rang de père d'Israël. Comme déjà il dit ici qu'il était réuni à ses pères. Après sa mort, il a été réuni à ses pères. Parce qu'il a été réuni à ses pères, il est devenu l'un d'eux. A commis mon corps. L'un de père d'Israël. Paul arrive qui était l'un descendant aussi. Compte David et les autres patriarches au nombre de leurs pères. Qui comprend? Que Dieu vous bénisse. La parole de Dieu va de père aux enfants. C'est une alliance établie. Il y aura toujours une source qui doit garder la semence de la foi qu'il y avait au début. Sachez que l'onction du Seigneur, la parole de Dieu auquel vous avez cru, il vous verra toujours dans votre descendance, semence de la foi, la Dieu pourra utiliser toutes les générations futures et manifester les promesses auxquelles vous avez cru. Il est fidèle à cette alliance-là. Dieu ne faillira jamais. Il ne perdra jamais courage. Devant la rébellion des enfants. Il est manifesté de cela. Dieu est fidèle à son alliance. Il est celui qui tombera sa main. I will be. Il est pas là pour vous montrer ce que c'est. Qui il a choisi dans sa progéniture? I will be. Non, mais ta manière. Il est là pour vous utiliser. Il est là pour vous utiliser. Il influencera les autres. Pour que sa foi ne soit pas vaine. Parce que nous ne sommes pas la foi. La foi qui habite en toi, la yeux, se retrouve dans ton enfant, dans tes enfants. Jésus, il y en a quatre à moi, il y en a d'abord. Réveille sur sa parole. Il est l'exécuté. Pour l'exécuter. Il est le Dieu des promesses. Avec une bande. Gloire soit rendue à son nom. Pour que le avez-vous remarqué? David était un enfant. David avait un temps où lui servait. N'a pas il avait des pères que lui appelait père. Mais ce père-là était déjà mort. Il avait déjà fait l'histoire. Avec celui de en leur temps. Depuis des siècles et des millénaires. Lui aussi après son temps. Il a marché correctement. Il a obéi à la foi. Il a accompli la volonté de Dieu. Il a crié en son temps. Alors, nous ne pas dans la vie. Élevé au rang de père. À ton dans le Paul détache le compte parmi les pères d'Israël. Il dit la promesse faite à nos pères. Et la personne qui dans Batata. Quels étaient ses pères-là? Batata, David d'abord. David, parce que ce sont ces psaumes qu'il cite. David qui a entendu ses promesses. Béni soit le Seigneur. Et quand la promesse qui dit que tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Paul n'est pas le seul à en parler. Pierre aussi en a parlé. Il est écrit dans Actes 2, verset 25. Dieu l'a ressuscité. En le délivrant de l'île de la mort. Il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. C'est Jésus-Christ. Non, le Messie de Dieu. Messie en le Messie promis. Messie en Dieu devenant homme. Car David dit de lui. Je voyais constamment le Seigneur devant moi. Parce qu'il est à ma droite. Afin que je ne sois pas ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie. Et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour de mort. Et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître le sentier de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Suivez le verset 29 et 30. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement. Au sujet de qui? Ok. Est-ce que David en son temps était-il un patriarche? Quand il a vécu sur la terre, est-ce que lui il était compté parmi les patriarches? Il était David, fils d'Isaïe. Son père qui régnait encore. A fait son temps, il a vieilli. On dit patriarche David. On dit ça de lui après qu'il soit mort, après qu'il ait été réuni avec ses pères. Il est devenu l'un des pères d'Israël. Que son âme repose en paix. Devenu l'un des pères d'Israël. Oh là là, il dit. Qu'il me soit permis de vous dire au sujet du patriarche David. Et ça me l'a dit pour le David. Qu'il est mort. Paul aussi a dit qu'il était mort. Et qu'il a été enseveli. Et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Aujourd'hui, là, autant de Pierre, quand Pierre parlait là. Pierre a parlé avant Paul. Paul est venu à la fois après. Paul avec la cima. Et Pierre parle ici les jours de la Pentecôte même. Kasi Peter avec le baoua na mukolankitira ka ce patriarche là est mort. Le maquette encore comme un coup et qu'il a été enseveli. Akundamaki et sa tombe existe encore aujourd'hui. Vous pas na yeux na 92 voir là où il est enterré, il pouvait aller voir. Le sorti ma kemaki ma pouvait se porter comme le bisika akundamaki ma kinda. Comme il est un prophète. Le grand fait nous sacou. Et qu'il savait que Dieu lui avait promis. Avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection de Christ qu'il a prévu et annoncé. Et Jalinde, le chef de Christ, à sa cola qui prête. En disant qu'il ne serait pas abandonné dans les séjours de mort. Et que sa chair ne verrait pas la correction. Ce seul Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Nous sommes tous témoins. Savez-vous que même Paul, Pierre aussi, quand il parle comme ça. Quelque chose lui était caché dans le plan de Dieu. Et notre moco est bomba maquillée. David, dont il vantait la tombe. David, venait de quitter déjà la tombe. Quand Jésus est ressuscité, David était seul. Mais Dieu avait caché ça à Pierre. Il a caché ça à Paul. A bombélé en Paul. Disant que tous ceux-là sont morts dans la foi sans avoir obtenu ce qu'il leur était promis. Et le mystère-là qui était caché à Paul, caché à l'église primitive, caché à Pierre, pour ses compagnons, devait être fini à la voix du septième ange. Et le septième ange qui devait mettre un terme à tous les mystères de Dieu. Après la révélation complète, toujours dans la prédication de l'évangile, toujours de la même église, Dieu vivant, béni soit le Seigneur, nous avons la même foi, nous avons le même Dieu. Oh, béni soit le Seigneur pour toujours. Regardez dans Hébreux chapitre 11, ce que nous venons de dire ici, cet extrait. Hébreux 11, qu'est-ce qu'il dit? Verset 39. Il dit, tout cela, il a parlé d'une nuée des témoins, ceux des croyants de la période de l'Ancien Testament. C'était sous le sang des boucs de taureau. Il dit, tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Verset 40. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous. Afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Et parmi ces choses qui leur avaient été promises, nous voyons au verset 35, les femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance. Afin d'obtenir une meilleure résurrection. Maintenant tout cela à la fin. De ceux qui ont été laissés une autre fois. Tous ceux-là sont morts sans avoir obtenu ce qui leur était promis. Ils avaient cru en la venue d'un Messie. Car depuis le jardin d'Éden, Dieu a annoncé la venue d'un sauveur, le Messie. Et tous ces pères-là ont cru à ça. Ils ne l'ont pas vu. De leur temps. Mais au temps de leurs enfants, cette vieille promesse et la d'une meilleure résurrection a été accomplie. accompli par le même Dieu que le Père avait servi, en palpant tout ce qui était promis. Mais quand Jésus-Christ est venu, l'accomplissement a débuté. Béni soit le nom du Seigneur. Maintenant, regardez. Ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Mais ils sont morts. C'est ce que dit le verset 39. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Mais Dieu ayant envie quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas à nous à la perfection. Pendant que Paul écrit cet épître aux Hébreux, plusieurs années après la résurrection de Jésus-Christ, les saints de l'Ancien Testament étaient déjà ressuscités. Mais lui, Paul n'a pas prêché ça. Ce qui lui était révélé, c'est uniquement la révélation de Jésus-Christ. Et voilà qui me est le Seigneur, le Fils de Dieu. C'est sur ça que les apôtres ont insisté. Mais au sujet de la résurrection des autres, là. C'est écrit dans la Bible même. À Matthieu 27. Vous vous rappelez? Mais les apôtres n'ont pas insisté sur ça. Ils continuent à attendre la résurrection à venir. Oh, il y avait une résurrection qui venait déjà d'avoir lieu. Même celle de plusieurs justes de l'Ancien Testament. Matthieu 27. C'était déjà là. C'est comme si l'écriture était voilée. Mais nécessairement, je devais dévoiler. Alors on ne négligeait pas chacun des prophètes en son temps. Ici dans Matthieu 27, nous pouvons lire ceci, au verset 50, à 53. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici les voiles du temple se déchirant. Depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscités. Ils étaient déjà ressuscités. C'est même écrit dans l'évangile de Matthieu. Mais les apôtres de l'époque primitive ne l'ont pas prêché. Pourquoi? C'est dans le mystère de la résurrection. Et le messager que Dieu avait prévu pour éclaircir cela, c'est William Branham. Les Élie de Malachie 4, 5 et 6. C'est autant de qui? Que Dieu nous aide. Il dit ça. Les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps de saints qui étaient ressuscités. Paul annonce dans son évangile que David est mort et il est là. David est mort et sa tombe est encore là. Sa tombe est encore pas là. Si vous allez physiquement sur la tombe de David à cette époque-là, vous ne verrez rien de changé. Une croix toujours posée dessus. Une tombe avec une pierre tombale. La terre n'a pas bougé. Mais la résurrection de David avait eu lieu. Pouvez-vous comprendre ça? Donc les gens pouvaient continuer à faire le pèlerinage. Ils partent à la tombe. David. Se recueillir. Dans le Nouveau Testament. Jusqu'aujourd'hui. Si vous allez là-bas, peut-être qu'on peut vous indiquer. Vous allez trouver une tombe. Mais dedans, il n'y a plus rien. David était déjà sorti. Vous direz, mais comment? Le Seigneur me dit, Dieu n'aura qu'à parler. Dambe, à cause de la résurrection aura lieu. Après, dit, quand l'on parle de sépulcre de s'ouvrir, notre âme dit que cela ne veut pas dire que Dieu enverra des anges avec des bêches dans tous les cimetières pour commencer à trouver ouvrir toutes les portes et dire aux morts. Il dit ça ne se passera pas comme ça. Et Dieu n'aura qu'à parler. Les morts sortiront de la terre. Vous irez sur les tombes, vous trouverez les mêmes décors. Mais ils seront déjà ressuscités. Êtes-vous là? Et ça, il est dit dans la prédication, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Vous savez que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Dieu fait des grandes choses que l'homme scientifique ne maîtrise pas. L'expliquer, il faut attendre deux fois des millénaires. La science a découvert finalement. Dieu ne découvre rien. C'est l'homme qui découvre. Des siècles pour la même après avoir découvert sa connaissance n'est que partielle. D'avoir un Dieu qui sait tout. Il connaît tous les détails. Ce qu'il y a eu, de ce qu'il y a eu. Dieu sait tout. Avez-vous remarqué la promesse de la résurrection? Il est donné au Père. Et pour mais l'accomplissement, c'est pour les enfants. Paul l'a dit. Paul l'a dit. Et c'est vrai. Paul l'a dit. Alors, voilà ce qui s'est passé. Alors, verset 52. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitaient. Déjà arrivé. Et faut saler. Et étant sorti du sépulcre, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la vie et apparurent à un grand nombre de personnes. Plusieurs connaissants. Qui était mort, que l'on donnait pour mort là, sont ressuscités. Bah, c'est quoi qui? Ils sont même entrés dans la vie. Bah, ils se sont fait voir à plusieurs. Bah, on sait qui n'a pas tenu. Mais où ont-ils fini la course? Quand Jésus monté, jusque-là à la montagne de Béthanie là, savez-vous quoi? Les disciples n'ont vu que Jésus seul. Et pourtant, il avait une troupe derrière lui. C'est mort ici. Il était ressuscité là. Quand Jésus montait au ciel, il était avec lui. Mais les disciples qui étaient sur la montagne, quand il est monté, une nuée les déroba à leurs yeux. Déroba à leurs regards. Une nuée l'a enveloppé. Il n'est pas par lui, il est parti. Il a disparu. A Bungi. Et pourtant, il dépassait. Il était accompagné. Et est monté en haut. Il l'a amené des captifs. Ah, nous avons Paul l'écrit. Mais il ne l'explique pas. Parce que ce mystère là est révélé aux enfants au temps de la fin. Et c'est là que quand nous lisons la même Bible aujourd'hui, la connaissance spirituelle a augmenté. Notre amendement est monté. Nous voyons plus de détails. Vous vous rappelez? Vous voulez que vous connaissez le père de la Pentecôte dans Acte 3. Satan a dit son qui fait là, mais ça là. Quelle était la promesse que Dieu leur avait donnée? Il a quand même dit dans ça qui donne. Donc Pierre a parlé dans Acte 3. Oui, le père de la Pentecôte, mais ça là, mon copain, ça. À partir du verset 19 à 21. Vous m'avez demandé, moi, je suis dans le bloc, je suis dans le bloc. Nos pères là, ceux-là de la Pentecôte. Satan a dit son qui fait là. Et aussi sont morts sans palper cette promesse. Dans le père, le couffi. Ils sont morts dans l'espérance que Dieu les fera. Est-ce que Pierre avait dit Jésus-Christ que le ciel doit recevoir au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autres fois. Jésus-Christ a causé un appendant. Pierre est entré sous terre ayant foi que cette chose se fera. Et ce qu'il a cru sans l'avoir vu, il a accompli pour nous les enfants. Nous sommes les tout derniers au temps de la fin. Dont on ne ferait pas cas. Mais au moins Dieu a accompli la promesse. Le rétablissement en question est en cours. Nous sommes témoins et participants de l'accomplissement de cette promesse. Béni soit le nom du Seigneur. Paul aussi avait cru la même chose que Pierre. Parce qu'il a dit que c'est le même évangile qui lui a été confié. Regardez ce qu'il dit au sujet de la Odyssée. Dans Colossiens au chapitre 2. Il dit ceci, versets 1 et 2 à 3. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Et pour ceux qui sont à la Odyssée. Pour tous ceux qui n'ont pas vu mon village. N'est-ce pas que vous êtes concernés? Même si la Odyssée ne vous convainc pas trop. N'est-ce pas que vous êtes du nombre de ceux qui n'ont pas vu le visage de Paul? Vous n'étiez pas vivant de son temps. Mais il a soutenu un grand combat pour vous. Pour vous tous qui n'avez pas vu son visage. Mais il savait que vous viendrez. Il était un prophète, lui Paul. Il savait que des descendants viendront. Des enfants naîtraient. Ils n'auront pas vu son visage. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation. Et qu'ils soient unis dans l'amour. Et enrichis d'une pleine intelligence. Pour connaître le mystère de Dieu. Savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors. Et la sagesse et de la connaissance. Tous les secrets de la sagesse et de la connaissance divine sont cachés en Christ. Il est le mystère de Dieu. Pour tous ceux qui n'ont pas vu. Nous sommes le visage de Paul dans la vie. Paul. Il avait déjà livré un grand combat pour eux. Pour qu'ils aient le cœur rempli de consolation. Qu'ils sachent que les choses auxquelles nous croyons, sur lesquelles nous comptons, que nous espérons voir Dieu accompli, même si nous mourrons sans les palper, c'est là qu'ils n'auront pas vu mon visage en chair. Et le cœur rempli de consolation. Car nous servons un Dieu immuable. Dieu tiendra promesse. Le Dieu de consolation manifestera les promesses. Croyez-vous de tout votre cœur qu'un prophète a vu ça? Son nom c'est Saul de Tars. Béni soit le nom du Seigneur. Regardez. Dieu vous connaît. Plus que ceux qui connaissent, qui ont connu, qui n'ont pas vu le visage de Paul dans la chair, plus que ça, nous disons que nous vivons dans l'âge de Laodicée. Seulement, vous n'avez pas vu le visage de Paul dans la chair. Mais aussi, vous et moi, nous vivons à l'époque de Laodicée. Nous sommes les Jésuites. Alors, ayez le cœur rempli de consolation. Or, notre Dieu, il est le Dieu de toute consolation. Et la consolation que Dieu donne, c'est par les Écritures saintes. Les promesses écrites, vous pouvez les voir s'accomplir. Et cela doit remplir votre cœur à vous. La consolation. Dieu console en accomplissant les promesses faites au Père. N'a-t-il pas fait la même chose au temps où Jésus est venu la première fois? Il l'a fait. Dans Luc chapitre 1er, le verset 68, il est écrit ceci, en 74, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Peut-il nous visiter au temps de la fin? Dans votre église ici? Peut-il nous visiter et racheter? Il est le même. Dieu des promesses infaillibles. Le Dieu de nos pères de la Pentecôte. Il est le même Dieu des pères d'Israël. Il agit à travers le temps et sa parole demeure pour toujours. Il nous a suscité un puissant sauveur. À la maison de David, son serviteur. Écoutez, comme il avait annoncé par la bouche de ce saint prophète des temps anciens. Le sauveur n'est pas venu au hasard. Il était prévu dans les paroles des prophètes des temps anciens. Parole qui était publiée au temps des pères d'Israël. Les pères les hommes, ils ont lu, mais ils n'ont pas palpé ça. Leur expérimenté. Dieu est très bon. Comme il l'avait annoncé par la bouche de ce saint prophète de temps ancien. Quel genre de sauveur était-ce? Un sauveur qui nous délivre. On dit qu'il faut être ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Dieu délivre tous nos ennemis. L'obanano, alléluia. Alléluia. Tous les ennemis. Ton Dieu qui peut te visiter, qui peut te racheter, il a le pouvoir de te délivrer. la main de tous ses ennemis. Na maboko ya bayini na ennemis. Tous ceux qui te haïssent. C'est une délivrance réelle et vraie. Dieu la donne encore jusqu'à présent. Il est dans l'évangile. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Et la main de tous ceux qui nous haïssent. Louange à Jésus-Christ. C'est ainsi, tu vas bien. C'est ainsi en faisant ça. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères. Et se souvient de sa sainte alliance. La parole que j'ai mise dans ta bouche, elle se retire la pointe de la bouche de tes enfants. Et la bouche des enfants de tes enfants. À toujours et à perpétuité. Maintenant et à jamais. Ceci est mon alliance avec eux. Dieu a dit et Dieu le fait. Il se souvient toujours de son alliance. Et puis c'est son nom pour toujours. Et puis manifeste aux enfants. Dieu de Père confirme la promesse aux enfants. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Selon l'enseignement par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte. Que tu ne craignes plus aucun adversaire. Aucun ennemi qui dérangerait quoi que ce soit. Le chemin est nettoyé. La main est glorieuse. La main est sérieuse. La main ne dépend d'aucun homme. Il n'est aux mains d'aucun homme. Tout ça est dans les mains de Dieu. Lui qui manifestera son bonheur. Lui qui te confirmera sa victoire. Il est le Dieu immuable. Dieu de nos pères. Il est le Dieu de l'arrière. Le Dieu des promesses infaillibles. Accroche-toi à sa parole. Lui veille sur elle. Il l'accomplira. Servez Dieu sans crainte. Mais avant d'arriver à ce niveau-là, il est délivré de tous les démons qui vous haïssent, de chaque démon qui te hait, de Lucifer qui te hait. Acclame au nom de Jésus-Christ. La servitude de pleine fin. Que ton esclavage finisse. Si le fils s'est affranchi, il sera réellement libre. Tu as un enfant de promesse. Ça, c'est aussi l'évangile que Pierre a prêché. Après les apôtres, chapitre 2. Prenons le verset 13. Acte chapitre 2. Ou qu'est-ce que je dis? Chapitre 3, excusez. Le verset 13. Le Dieu d'Abraham. D'Isaac. Isaac. Et de Jacob. Père, le Dieu de nos pères. a glorifié son serviteur Jésus. Que vous avez livré et renié devant Pilate. C'est à vie qu'on les relâche. Jésus-Christ est déjà gros. Il est déjà gros. Jésus-Christ est déjà gros. Et puis vous avez appris un serment intitulé Jésus glorifié. Il est déjà glorifié. Et c'est pour notre bien. Ne craignez plus l'opprobre. Ne craignez plus la défaite. Ne craignez plus les effets de l'échec. Ne craignez aucune tentation. Jésus-Christ, il a été glorifié. Dans mon cœur, chantait, amour de mon sauveur, Christ en Jésus, dans mon cœur, chantait, et l'amour qui fait mon bonheur, c'est pour moi qui t'y glorifie. Pour moi qui ne mérite rien, c'est pour moi qu'il s'est glorifié. Pour moi, oui Seigneur, oui pour moi. Dans mon cœur, chantez. Le cœur consolé. Mon sauveur. Dans mon cœur, chante l'amour, lui qui fait son bonheur. Voyez-vous ça? On entend bien. Maintenant, Pierre, après avoir montré que Jésus est glorifié, et Frère David, après avoir rappelé que Jésus-Christ est déjà glorifié, il vous dit ensemble avec Pierre maintenant. Au verset 25. Vous êtes le fils des prophètes. Et de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères. En disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies à sa prospérité. Jésus est déjà glorifié. Ta famille aussi doit être bénie. Ce qu'il avait fait au commencement, il fera encore à la fin. Parce qu'il est le même. Et dans Galates chapitre 4 ici, je peux encore dire une vérité que chacun doit garder à cœur. Et que vous connaissez, ce ne sera qu'un rappel. Verset 28. Galates 4, verset 28. Pour vous frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Vous êtes enfants de la promesse. Et Et la promesse de ne jouera jamais. Parce que Père ne l'a pas touché. Parce qu'il expérimenté. Mais leurs amis y ont cru. Pour les enfants. Nous vous annonçons la bonne nouvelle. La même que Paul avait prêché. Et la promesse faite à nos pères. Et la promesse faite à nos pères. Accomplie pour nous les enfants. Gloire à Dieu. Au commencement de l'évangile, il y avait des enfants de père d'Israël. À la fin de la prédication de l'évangile, il y a les enfants de père de la Pentecôte. Vous comparez la période? Au commencement de l'église chrétienne, il y avait sur terre les enfants de père d'Israël. Pour asseoir l'église. Pour faire naître son église. Pour ensemencer l'église dans l'église. Et au temps de la fin, le même Dieu qui ne change pas avait promis de Malachie qu'il y aurait d'autres enfants. Les enfants des pères de la Pentecôte. Et il y aura un messager qui viendra en ce temps-là de la Odyssée. Pour tous ceux qui n'avaient pas vu le visage de Paul. Il y a un messager de Malachie 4. C'est 5 et 6. Qui viendra pour ramener la foi de ses enfants à celle de leur père. Alors les choses que le père de la Pentecôte avait expérimentées, les enfants de Dieu dans la Odyssée y auront droit. Parce que c'est le même Dieu répétant l'histoire. Qui sera sorti de l'histoire. Regardez la comparaison des périodes entre les pères d'Israël et le commencement de la prédication de l'évangile. Il s'est écoulé 400 ans environ. Exactement. Où il n'y avait pas de prophète dans le pays. Oui, c'est là qu'il était là. Depuis le dernier prophète Malachi. Jean-Baptiste. Le dernier prophète Malachi de l'Ancien Testament. Malachi. Qui avait annoncé le messager Élie en question. Vous voyez ça? Depuis ce temps-là, jusqu'à Jean-Baptiste, il s'est écoulé une longue période où il n'y avait pas de prophète messager. Maintenant remarquez, depuis que Dieu a suscité les pères de la Pentecôte, parmi lesquels Paul de Tarse, Paul était l'apôtre des nations. Paul a travaillé plus que les autres apôtres qui étaient à Jérusalem. Jusqu'à la Odyssée. Qui ne l'a Odyssée? Identifiez bien un vrai prophète. Il n'y en a pas. Un prophète messager. Il n'y a pas. Auparavant, ici, il y avait des réformateurs. Paul, était un prophète confirmé. Et Paul, Irénée et les autres étaient quand même des messagers. Mais ce n'étaient pas des prophètes. Martin Luther, réformateur. Mais à la fin, après et tous. Il y a un office promis. Déjà appelé dans l'écriture prophète Élie. Et à ce qui devait prendre la place. Et nous faire revivre les temps bibliques. Nous répéter le livre des Actes des Apôtres. Est-ce que vous avez les yeux pour voir? Bénissez le nom du Seigneur. Oh, Dieu est très bon. Il est vraiment très bon. Dans Romains chapitre 9 ici, suivez ce qu'il y a encore. Il dit ceci, Romains 9, Baloma, verset 6, Moulongo et Motoba, à 8. Ce n'est point à dire Que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il le dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Amen. C'est ainsi que le Messie de la Bible ne pouvait pas aller naître chez les Ismaélites. C'est les musulmans. Les mahométans. Les islamistes. Non, non. D'ailleurs, ils ne croient pas en lui. Mais le Messie promis de la Bible devait venir à travers la lignée d'Isaac. D'Isaac naquit. Jacob. Et Jacob qui a hérité les promesses était un prophète. Il est le père d'Israël. Le peuple d'Israël. Le Messie devait naître de ce côté-là. Selon le plan de Dieu. Ainsi, en dehors de son Messie sauveur, il n'y a personne qui peut sauver. Si mon Messie est celui qui sauve, il n'y a personne qui peut sauver. Dans l'islamisme, il n'y a pas le salut. Dans quatre musulmans, le but est raté. Dans le catholicisme, il n'y a pas le salut. Dans ma cambamoute, le but est raté. Dans le protestantisme, il n'y a pas le salut. Dans ma cambamoute, il n'y a de salut que dans un seul nom. Et va au bel et le but est raté. Celui de Jésus-Christ. Oh, le Jésus-Christ. Que tu le veilles ou non, c'est comme ça. Oh, il est là, au bel et bon. Il dit au verset 8. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Bongo, qui n'a été, bananandoto, bazali bananandambe te, kasi banana elaka, batanga minokola, ibota. Voilà les enfants de la promesse. Et vous comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Nous, nous croyons à la promesse de Malachi 4. Clairement identifié dans la parole. Et nous y croyons sincèrement sans hypocrisie. Clairement et librement. Parce que c'est la parole éternelle de Dieu. Vous aussi croyez-vous? Nous devons avoir la même foi que nos pères qui nous ont prêtés. Le Rwanda dit ceci. Dans les sermons, laissez échapper la pression. Prêcher le 9 juin 1962. Eh bien, c'était Jésus lorsqu'il était sur terre, il discernait les pensées des gens. C'est ce qui a amené tous les vrais croyants à reconnaître qu'il était le prophète dont Moïse avait annoncé la venue. Et yangombe me maki na bandimino sosolo et pas qu'on a consolé yewana mosakoli on le mouche amaki. Quand il discernait les pensées du cœur des gens, il n'y avait pas eu de prophète pendant des centaines d'années. Je crois qu'il est de nouveau temps. On tire le parallèle. Jésus, quand il était venu, il discernait les pensées du cœur des gens. Et cela a amené tous les vrais croyants à reconnaître que c'était lui le prophète dont Moïse avait annoncé la venue. Et pourtant, il n'y avait pas eu de prophète en Israël pendant des centaines d'années. Ok. Je crois qu'il est de nouveau temps pour les promesses de la Bible. De nouveau. comme ce qui s'était passé à l'époque de l'église primitive. Le colère de la Pentecôte. Quand Pierre est sorti de là, il a dit, ces gens ne sont pas ivres comme vous les supposez. Mais c'est ici ce qui a été annoncé par le prophète Joël. L'accomplissement des promesses. C'est comme ça que la première prédication a commencé. Par l'accomplissement des promesses écrites des années. Et c'est comme ça que les dernières prédications doivent être données. Au temps de la Odyssée. Et tous ceux qui n'avaient pas vu le visage de Paul. Hein? Les dernières prédications porteront également sur l'accomplissement des promesses de Dieu. Le frère Branham est le premier d'entre les gens. Il a pu dire décembre 1962. Je crois qu'il est de nouveau temps. Pour les promesses de la Bible. Pour la Bible. Il est de nouveau temps. Pour les promesses de la vie. Donc des devoirs s'accomplir, non? Les promesses que le Père de la Pentecôte avait cru. Celle de la venue du rétablissement de toutes choses. Celle de cet élu qui viendra premièrement rétablir toutes choses. Jésus-Christ qui doit venir prendre l'église. Le mort en Christ qui doit ressusciter premièrement. Et la carte est venue dans l'eau, il n'y a qu'à la question. Et le temps de la fin. Toutes ces promesses-là des changements de nos corps. Mais pour nous les enfants, le temps est à nouveau venu. Pour les unes après les autres, les promesses de la Bible doivent s'accomplir. Nous disons amen. Amen. Je crois, et toi aussi tu dois croire. Je crois qu'il est de nouveau temps. En disant qu'il est de nouveau, c'est qu'il y a eu déjà du temps pareil. C'était à l'époque de Jean-Baptiste. Jésus-Christ de Nazareth. Plein de prophéties d'écriture qui s'accomplissent. Il est de nouveau temps pour les promesses de la Bible. En accord avec ces promesses de la Bible qu'il est fait mention des enfants de la promesse. Doivent se manifester maintenant. Ils doivent s'identifier clairement. Il est pour nouveau temps pour les promesses de la Bible. Que l'Esprit viendra sur la terre dans les derniers jours. Et qu'il ramènera une fois de plus. La foi des enfants au Père de la Pentecôte. Cette promesse de la Bible, il est temps pour ça. Et la carte de Bible est temps pour nous le prendre. Est-ce que tu vois ça? Comprends-tu ce que le prophète dit? Vous allez que ce soit là, on de nouveau temps. Ne plagez pas dans les nuages. Mettez vos pieds sur terre. Regardez. Il est de nouveau temps. Pour les promesses de la Bible. Et Dieu devait venir dans les derniers jours. Et qu'il ramènera une fois de plus. La foi des enfants. Au Père de la Pentecôte. À la foi originelle. Je crois que ce sont les lumières du soir. Pourquoi? Je crois que cela est ici. Ces promesses de la Bible sont ici. Sont déjà en train de s'enchaîner dans leur ordre d'accomplissement. Événement après événement, chose après chose. Ce sont les lumières du soir. Et je crois que cela est ici. À toi d'ouvrir les yeux, voir. Hein? C'est parce que tu comprends de tout ça. Hein? Je crois que l'Esprit de Dieu que Christ est ici ce soir. Et c'est Christ en allié, pourquoi je vous demande en tant que mon ami, mon frère et ma soeur, de croire que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est présent. Et en croyant cela, nous touchez-les avec votre infirmité. Par votre foi qui croit cela. Et vivre, Seigneur Dieu. Cet homme, il ne me connaît pas. Je ne le connais pas. Il ne me connaît pas. Mais s'il m'a dit la vérité, alors ton esprit parle par ses lèvres. Et que tu confirmes cela par ses lèvres. Il avait fait la femme qui avait touché le bord de son vêtement. En ce moment-là, touché le vêtement. Car il peut être touché par votre foi. Comme cette femme-là. Peut-être pas physiquement, mais cette femme-là. Et là, vous réjouirez-t-il? Et vous rendez rendra-t-il heureux dans le lieu de refuge? Si vous voulez, vous voyez faire cela. Sauf que vous voyez faire cela. Et levez la main si vous croyez qu'il le fera. Il peut être touché par votre foi. Amen. Ne multipliez pas vos émotions. Vos rires et vos plaisirs. Élevez votre foi. Que votre foi touche sa personne. Vous verrez les choses se dérouler. Béni soit le Seigneur. Il y a encore ici dans la reine de Sheba. Du 15 février 1958. C'est un mot de prière au paragraphe 3. Dieu béni. Nous te sommes reconnaissants. Et l'adoration de nos cœurs va à toi. Quand nous voyons venir les gens à travers la neige, sur les routes glissantes, pour venir t'adorer dans cette réunion, cela montre au Seigneur que la foi de nos pères est encore vivante. La foi de nos pères de la Pentecôte est encore vivante. Dieu a promis de garder son alliance. Aux enfants. Même quand cela a été conclu, même si vous n'étiez pas là. Parce que le jour où Jésus a inauguré la Sainte Cène, il a pris le pain. Il a pris la coupe. Parce que toi tu étais là. Il a dit, ceci est mon sang. C'est le sang de la nouvelle alliance. Il a conclu ça avec le père de la Pentecôte. Tu étais là. Non, mais ces paroles que Dieu a placées dans leur bouche. Ils ne peuvent pas se retirer de la bouche de leurs enfants. Mais de la bouche des enfants de leurs enfants. Et maintenant, et à jamais. Il faut garder cette parole. La foi de nos pères est encore vivante. Même parmi nous. Ce genre de foi est-elle là? On peut défier la pluie venir à l'église? Même complètement mouillé, on va venir s'asseoir à droite. Que la foi de nos pères est encore vivante. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon aide. Oh Jésus, cette foi vive aussi en toi. Chaque famille chrétienne, cela montre au Seigneur que la foi de nos pères est encore vivante. Malgré la prison, ou l'épée, ou les tempêtes, la grande église de Dieu avance. Et quel est le qu'on nous critique. qu'on nous minimise, qu'on nous sous-estime, qu'on nous souhaite des malheurs, qu'on nous maudisse, on ne change rien à notre foi. Et la foi de nos pères de la Pentecôte, c'est-à-dire, nous ne pouvons pas parler des choses que nous avons vues, de celles que nous avons entendues. Nous en parlerons toujours. Parce que mon cœur a cru. Nous avons le même esprit des fois. Oh bien-aimé, cette foi est encore là. Et nous sommes si heureux d'être membres de ce corps béni. Attendant pour bientôt la venue de notre Seigneur béni. Qui nous recevra dans son royaume. Et là, nous serons toujours avec lui. Quelle pensée glorieuse. Et quelle joie inonde nos âmes. Considérons ces promesses. Toutes ces promesses auxquelles nos pères de la Pentecôte ont cru. Donc bon nombre se sont déjà accomplis à notre temps. Que quelques-unes a fini. Il est de nouveau temps pour les promesses de la Bible. Et le premier est déjà venu. Le premier est déjà prêché. Et si les promis sont déjà établis. Non, ceci est annoncé. Êtes-vous là? L'enseignement de la parole est déjà restauré. Les ministères sont à nouveau mandatés. On n'a plus besoin de séminaires, ni du choix des hommes. On a besoin des serviteurs mandatés de Dieu. Béni soit le Seigneur. Oh, quelle pensée glorieuse. Et quelle joie inonde nos âmes. Considérons ce prophète. Et le Saint-Esprit nous rend témoignage. Quelles sont la vérité. Ainsi, Seigneur, parle-nous ce soir. Et pour ta parole. Et guéris tous les malades. Et les nécessiteux. Qui sont ici. Puisse chacun de recevoir une récompense. Pour être venu ce soir. Ah, Dieu t'aime. Il est bon et merveilleux. J'ai lu encore une autre prière ici. Quand leurs yeux s'ouvrirent, ils les reconnurent. Le 12 février 1960. Ah, quand les yeux s'ouvrirent, ils les reconnurent. Le 12 février 1964, paragraphe 126. Il dit, Seigneur, que les lecteurs de la Bible présents ici voient cette vérité. Laquelle? Ouapi. Qu'il voie que Malachi 4. Mais on était malade, mine. Que cette onction est censée venir. Et Pakoana et Kukikoya. Et Sengeli Koya. Et Sengeli Koya. Et restaurer une fois de plus. Et Sengeli Koya pour la cause de cette fois. Cette foi que le Père avait vue autrefois. Quelle était cette foi-là? La révélation de Dieu en Christ. C'est cette foi-là qui doit être rétablie. La révélation de Dieu en Christ. La révélation de Dieu en Christ. Frère Branham, prie pour que nous ayons, que nous voyons cette vérité. Et que cette foi-là, qui est le saint d'autrefois, les pères de la Pentecôte, ils étaient les enfants des pères d'Israël. Les pères d'Israël ont attendu un Messie à venir. Les enfants au temps de Jésus-Christ ont vu son Messie, Dieu devenu homme. Dieu en tant que prophète. Ils ont vu ça. La révélation de Dieu en Christ. Et nous voulons maintenant que les enfants de Dieu qui sont ici présents, les lecteurs de la Bible, qu'ils puissent aussi voir cette vérité. Mais c'est une prière de restauration. Une prière de rétablissement de la vie. Pour que vous voyez la même chose que Paul avait vu, que Pierre avait vu, que Jean-Étienne avait vu. Révélation de Dieu en Christ. Vous devez voir la même vérité. Maintenant, puisse-t-il voir la révélation de Dieu dans des êtres humains? Puisse-t-il voir la révélation de Dieu dans des êtres humains? Christ manifesté dans la chair de son Église. Pouvez-vous voir ça? Non pas vous arrêter à un homme, et voir le même Christ manifesté dans la chair de son Église. Utilisant les enfants de Père de la Pentecôte. Ici au temps de la fin. Dans l'âge de la Odyssée. À partir du 20e siècle et le siècle suivant. À partir de ces années-là et la suite. Qu'on voie la révélation. Je vous demande. Après la révélation de Dieu en Christ et Jésus. La révélation de Dieu dans des fils de Dieu au temps de la Pentecôte. Dieu se fait-il manifester? Des langues semblables à des langues de feu. Des colonnes de feu. S'est-elle posée sur chacun d'eux? Pouvons-nous recevoir la même chose? Le mystère du retour de la colonne de feu? Sommes-nous avec l'Église encore? Sommes-nous concernés? Nous sommes les seuls qui croient. Vous verrez la gloire de Dieu, vous en verrez le message. Continuons à avancer page par page. Maintenant, puisse-t-il voir la révélation de Dieu dans des êtres humains? Manifesté par la chair de son Église. Marchant parmi nous. Accorde le Seigneur. Les promesses que tu as faites, les promesses que tu tiendras. Et je m'abandonne moi-même à toi maintenant. Avec la parole, avec l'Église, avec tout. Au nom de Jésus-Christ. Pouvons-nous nous abandonner aussi? Pour que Dieu nous utilise. Sommes-nous les enfants de Père de la Pentecôte? Qui gardons la même ligne de foi? De croire aux promesses de Dieu en l'air temps. De prêcher la bonne nouvelle promise. L'évangile promis. Pour ce temps. Pour pas des histoires de la théologie. L'évangile authentique. Il y a été prévu par Dieu pour le temps dans lequel nous vivons. De sorte que nous puissions dire aussi comme Paul autrefois, nous annonçons cet évangile, nous annonçons cette bonne nouvelle, et la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants. Et ce que disait la promesse, je vous enverrai Élie le prophète avant que ne vienne ce jour grand et redoutable, le jour de l'Éternel. Il ramènera le cœur des enfants à leur père. Il ramènera le cœur des enfants à leur père. Il ramènera le cœur des enfants à leur père. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? On doit savoir c'est quoi. Hein? Ramènera le cœur des enfants à leur père. La parole de promesse. Et Dieu a fait promesse. Il doit tenir promesse. Il est le Dieu de ses enfants à lui. Il a caché ces choses aux sages et aux intelligents. Il a caché ses enfants. Les enfants de la terre qui sont enfants de Dieu. Ce ne sont pas les gens chanels qui sont enfants de Dieu. Ce sont les enfants de travail. Êtes-vous concerné? Amen. Les enfants de promesse. Ce sont ceux-là. Ceux-là. Et vous devez vous manifester. La colonne de feu doit traiter avec vous. Le même Dieu des apôtres doit se manifester. Le même signe, miracle, prodige doit se manifester. Dieu révélé dans des êtres humains. Le même Dieu qui était en Christ, manifeste maintenant à travers l'Église. Comme c'était le cas à la Pentecôte, ça doit être le cas au temps de la fin dans la Odyssée. Avant l'enlèvement, et saisissez cette vérité. Croyez cette vérité et croyez l'évangile promis pour vous. Que Dieu bénisse ce qui est prêché ce soir. Lèvons-nous pour la prière. L'amour de Dieu, amour et belle signe. Quel angle plume ne peuvent les dire. Si il va plus loin. Quel la plus haute étoile il atteint le plus bas. Vivant Au coupable. Chantons. Pardon, je donne son fils pour faire un cœur irréconciliable. Son fils sera lui pardonne son péché, la mort, oh, l'amour de Dieu. Aussi à notre frère Joseph Balemba qui n'a pas pu atteindre le culte pour raison de santé. De malaria qui dérange sa santé. Prions, nous penserons aussi à lui. Prions chacun. Nous te remercions. Nous t'adorons. Nous t'élèverons. Nous te vénérons. Nous te sanctifions. Nous te bénissons. Pour les bénédictions dont tu nous as bénis. En Jésus-Christ, la postérité d'Abraham. Toi, tu es le Dieu qui a fait des promesses au Père. Et qui les accomplit pour nous, leurs enfants. Tu as fait ça au temps des apôtres. Et tu n'as pas changé ta manière de faire au temps de la fin. Tu traites encore avec les enfants. Nous voici, nous les enfants. Utilise-nous comme bon te semble. Manifeste-nous tes promesses. Accomplis promesse après promesse. Tous les signes que tu as prévus. Au nom de Jésus-Christ. Que ton sang divin. Le surnaturel. Accompagne les croyants. Que cette puissance d'en haut. Pénètre encore les croyants. Utilise à nouveau l'église. Pour reproduire les actes des apôtres. Pour reproduire les résultats et les prouesses de l'église primitive. Seigneur, tu es capable. Que par ton signe nous voyons ta lumière. Exauce-nous Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Garde chacun de nous. Guéris notre frère Joseph Palimba. Et pardonne tous ceux qui ont été empêchés. Imagine une autre parmi nous. Et fais grâce à ton église. Avancez. Au nom de Jésus-Christ. Nous prions ici. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Beaucoup qui que Dieu soit loué. Zambé, sans une main.